Alors, le thème de ce Live Sénat, d'abord, c'est le GN comme média politique. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors, moi, c'est Axel Cazeneuve. Je suis GNiste, je suis de la scénaristerie. Je suis également étudiante en anthropologie. J'ai un blog qui s'appelle Larf in Progress, qui a pour but principal de prouver que le GN est un média politique. Donc, je suis un petit peu engagée là-dessus. Et c'est moi qui vais ouvrir ce débat. Je tâcherai cependant de ne pas trop intervenir. Alors, ce soir, on va discuter du GN comme média politique. Il y a énormément de choses à dire, effectivement. D'abord, j'aimerais introduire une distinction entre la politique et le politique. Quand on utilise le terme de politique ordinairement, on parle des jeux et des rapports de pouvoir, ainsi que des structures au sein d'un groupe, d'une société ou d'un État. Alors que quand on parle du politique, on parle du milieu dans lequel les gens vivent ensemble, qui est formé par les relations intersubjectives. Donc en fait, dès qu'il y a plusieurs humains qui partagent un même espace, que ce soit un espace réel ou un espace métaphorique, dans la fiction, à travers d'autres liens autres que le face-à-face, etc., il y a du politique et de la politique. Donc on va réfléchir sur le GN dans tout ça. Le GN est politique puisque tout est politique, hein. Quand il y a des humains, il y a de la politique ou du politique. Or, dans le GN, il y a des humains, hein, voilà. Par contre, la question est de savoir si c'est un média politique. Un média, c'est quoi? Un média ou médium au singulier, c'est un moyen. Donc, un moyen, ça implique toujours un but. C'est également un intermédiaire, donc il y a une notion de médiation. Ça peut aussi être simplement un milieu, donc quelque chose qui est public, qui est mis sur la place publique. La question de savoir si le GN est un média, pardon, politique, dépasse donc celle de savoir si c'est politique tout court. Si c'est un média, ça implique de se donner des fins, de mobiliser le GN comme un moyen, d'en faire un lieu intermédiaire pour véhiculer ou servir ses fins. Ça pose donc la question du but qu'on poursuit. Quelles fins sont acceptables? Pourquoi est-ce qu'on les pose? Quels sont les principes qu'on défend? Etc. Je ne vais pas parler mille ans parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses que vous pourrez dire là-dessus. Je vais simplement annoncer un plan que j'aimerais que nous suivions pour orienter un petit peu la discussion. Donc, je poste le plan dans le texte. Dans un premier temps, donc, j'aimerais qu'on se pose la question de qu'est-ce qui rend le GN propice à être un média politique? Pourquoi le GN plutôt, quelle est la spécificité du GN comme média qui pourrait le rendre politique? Puis, j'aimerais qu'on se pose la question, doit-on faire du GN un média politique? Donc là, c'est la question qui va intéresser la plupart des gens, en fait. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est utile de faire du GN un média politique? Ensuite, qui fait du GN un média politique? Est-ce que ce sont les organisateurs, organisatrices? Est-ce que ce sont les joueurs, joueuses? Est-ce que ce sont d'autres instances extérieures peut-être? Et ensuite, à quelle fin doit-on faire du GN un média politique? Enfin, pour conclure la discussion, j'aimerais que nous demandions au final si le GN peut ne pas être politique et si c'est possible, à quel prix? Je vais vous laisser poster vos plus-uns dans la discussion afin que nous puissions commencer à débattre de ce thème. Bon, puisque personne commence, je propose de commencer. Alors, je suis un peu embêtée parce que moi, c'est l'idée que j'ai en tête ne concerne pas tous les types de GN. En fait, la première chose à laquelle je pense, ce sont les GN historiques. Moi, j'ai fait des études d'histoire et l'histoire, c'est toujours politique. Donc, un GN historique est pour moi par essence politique. Alors, petit rappel, pourquoi l'histoire est toujours politique? Parce que l'histoire nous permet de comprendre comment les structures sociales dans lesquelles nous vivons, comment les dynamiques, comment les rapports entre les gens se sont construits. Que tout ça n'est pas naturel, tout ça a une histoire. Donc voilà, pour cette raison, je pense que les GN historiques sont en tout cas toujours propices à être politiques, même si certains GN peuvent être plus là pour du divertissement. Certains GN historiques sont plutôt écrits comme des divertissements. Il y a là un terreau fertile à faire du politique. Et pourquoi l'histoire est politique? Parce que l'histoire, c'est ce qui nous permet de comprendre comment les structures dans lesquelles nous vivons se sont construites, d'où viennent la façon dont nous gérons les relations les uns avec les autres à titre individuel ou de groupe ont une histoire, rien n'est naturel. Et tout ça, c'est par l'histoire qu'on peut savoir comment c'est apparu. Et donc, passant par là, un gène historique est propice à être un média politique. Je vais prendre la suite, si ça vous va. Du coup, pour répondre à qu'est-ce qui rend le gène propice à être un média politique, pour moi, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va donner à jouer. Donc là, ça a déjà été un peu abordé par Zandera avec à la fois les questions de contexte qu'on donne à jouer. Il y a d'autres points qu'on pourra traiter après. Et il y a aussi le contexte du jeu lui-même. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que tout le monde puisse jouer? Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui rend le GN propice à être un média politique, c'est qu'on s'y est posé des questions des questions genre sur est-ce que c'était cher de jouer à un GN ou pas, et du coup qui pouvait jouer ou pas, est-ce qu'il y avait une barrière aux thunes, est-ce que c'était safe de jouer à un GN et du coup qui pouvait jouer à un GN et qui était bloqué parce que c'était pas safe pour elle ou eux. Et j'ai l'impression, c'est peut-être une erreur de ma part, j'ai l'impression que ces questions-là se sont posées dans le GN dans les 10 dernières années, alors qu'il y a plein de pans de la société où elles ne se posent pas encore. Alors, qu'est-ce qui fait que ça s'est posé là et pas ailleurs, je ne sais pas. Mais je vois tous les jours que dans mon travail, on ne se pose pas des questions d'espace safe, mais qu'on se pose des questions de... Enfin, que moi, au GN, on s'en est posé, quoi. Alors, qu'est-ce qui a rendu le GN propice à ça? Est-ce que c'était... Non, d'ailleurs, je pense... J'allais dire, est-ce que c'était les excès, mais pas plus que dans d'autres parties. Je vais laisser la parole. Je vois que les plus-uns commencent à se mettre, donc je vais vous laisser rebondir là-dessus, et puis quitte à essayer après. À plus. Sans vraiment réagir à ce que vient de dire Will, moi, ce que je voulais aussi remettre dans ce débat, c'est que le GN, c'est avant tout du jeu, c'est-à-dire que c'est une forme de divertissement, mais le jeu, ça peut aussi servir à créer de l'apprentissage et à amener des messages. Et parce qu'il y a ce côté de messages qu'on peut véhiculer, il y a cette porte d'entrée sur la question de faire du politique, c'est-à-dire le politique à travers le jeu de rôle en grande nature. Ça crée de mettre en place des espaces où ça crée une identité par rapport au GN lui-même et par rapport aussi à la fois aux organisateurs qui proposent le GN, mais aussi aux joueurs qui viennent s'y intégrer. Voilà. Pour ma part, ce que je voulais dire, c'est que de la définition même du jeu de rôle en grande nature, il y a une part de message qui peut être véhiculé et ça permet déjà de faire du politique, voilà, tout simplement. Après, il y a une multitude de façons de le mettre en place, qu'on verra peut-être dans d'autres parties de ce débat, mais en tout cas, il semblerait qu'à travers même la démission du GN et de ses possibilités, on puisse faire du politique. Merci. Là, pour répondre à ce que disait Will, je pense qu'il y a deux questions distinctes. La question de l'organisation du GN et de l'organiser de façon en prenant en compte la situation politique réelle, par exemple en cherchant à ce que le GN soit inclusif, et la question du GN en tant que média, donc qui transmet un message politique. Même s'il y a des liens, je pense que ces questions sont distinctes. Ensuite, donc, le GN en général, en tant que média politique, à part quelques GN très abstraits, expérimentaux, les GN se passent toujours dans un cadre social, une société éventuellement fictionnelle. On a construit un monde qui peut être une utopie, qui peut être une dystopie, ou dans une transposition du monde réel dont on va garder les codes. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a du politique, il y a... Si une société hiérarchisée, par exemple, c'est politique qu'il y ait une hiérarchie. Une société anarchiste, au contraire, c'est très politique. Une société où on considère que, contrairement à dans notre monde, il y a une parfaite égalité homme-femme, c'est un message politique de faire un jeu qui se passe dans un cadre comme ça. Voilà, donc finalement, le fait qu'il y ait un cadre social au jeu fait qu'il y a toujours un propos politique, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Pour te répondre, Zandera, oui, en fait, j'ai cité la question entre guillemets des contextes tu vois, de organisationnels, etc., plus pour dire que j'y avais vu des questions politiques que je n'avais pas vues dans d'autres endroits de la société, mais en effet, après, il faut, enfin, on est d'accord que là, on est sur une question qui est plus sur, enfin, j'ai l'impression, sur en quoi est-ce qu'on donne à jouer les politiques. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que, et je revenais sur les mots de Griselda, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait des sociétés dans un GN où il y a des sociétés, où il y a de l'anarchie, où il y a des royautés, tout ça, qu'on est véritablement dans quelque chose de politique, parce qu'il y a une intentionnalité qui ne peut Ne pas, qui peut ne pas être présente dans la tête des orgas et même dans la tête des joueurs. C'est-à-dire qu'on peut jouer simplement, on a un support de jeu. Ça aurait été un bac à sable, ça aurait été la même chose. Or, je crois que la question politique, c'est une question aussi un peu plus consciente et de message qui est véhiculé. On peut créer un GN avec juste un contexte et se dire, bon, ben, on va jouer là-dedans et c'est tout, il n'y aura rien d'autre. Et c'est là où on peut questionner ce débat qu'on a, c'est-à-dire est-ce que le GN est politique ou pas? Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire concernant l'intentionnalité, puisque, en fait, dans mon point de vue, l'intentionnalité n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que même si les organisateurs et organisatrices ne se sont pas dit on va faire un super GN féministe, quand ils posent différentes normes, finalement, ils vont proposer à l'expérimentation des choses, des normes différentes, et expérimenter, c'est produire et reproduire des normes qui sont susceptibles de faire bouger les normes dominantes au final, ou de faire bouger dans la tête du joueur ou de la joueuse qui incarne ces normes-là, la façon dont Yel va les incarner dans le monde réel. Et ça me permet d'aller directement sur ce que je voulais dire concernant pourquoi le GN est un média propice à des messages politiques pour moi, ou plus même qu'à des messages politiques, à une agentivité politique, à produire des effets sur le réel. C'est parce que dans le GN, il y a quelque chose de fondamental par rapport au monde réel. C'est qu'on va établir un contrat social, comme dans la vraie vie, sauf que cette fois-ci, on est conscient de le faire. Or, puisqu'on est conscient d'établir ce contrat social-là, on va effectivement lire les règles, alors que dans la vraie vie, on n'en lit jamais effectivement les règles, les lois, pardon, Clemens. Là, on va vraiment lire les règles, on va les poser, on va les discuter, et à mesure qu'on les pose, on va avoir la possibilité de les questionner. Et donc, c'est dans le fait que le GN est un contrat social explicite que pour moi, il s'agit d'un média politique propice. Axel a dit un peu ce que je voulais dire, je vais poursuivre. En effet, je pense qu'il n'y a pas besoin d'intentionnalité pour être politique. Prenons par exemple un GN médiéval fantastique classique où on va avoir une structure de royauté, de baronnie, de chef de clan, etc. Alors, on n'est pas du tout dans le soutien de la royauté. En revanche, on est dans la validation de l'idée qu'il y a besoin d'un chef, d'une structure hiérarchique pour être efficace, ce qui est une idée répandue dans notre société, alors qu'il y a des idées autres. Il y a des idées comme quoi des structures collaboratives peuvent être tout aussi efficaces. Donc là, l'intention n'était pas du tout d'être politique, mais au final, il y a eu un message politique qui va dans le sens de ce qu'il y a dans la société, sans le remettre en question. Et ne pas remettre en question la société, finalement, c'est aussi politique. Là-dessus, ça rejoint un petit peu ce qu'on en parlait récemment à propos des jeux de société aussi avec Baptiste sur la question du quand on fait jouer de la compétition, on s'en rend même plus compte parce que quasiment tous les jeux de société sont compétitifs et les GN, il y en a beaucoup, pour pas les nommer, tous les GN gamistes sont compétitifs quoi à différents niveaux avec la résolution d'objectifs, etc. Et au final, est-ce que déjà là, c'est pas un parti pris politique? De dire je vais réunir 80 joueurs et ils vont tous être en compétition quoi. Et le plus drôle, c'est qu'en plus, à la fin, on va bien dire, mais il n'y a pas de gagnant dans un GN, alors même que, par définition, si on met des gens en compétition, il devrait bien y en avoir quelques-uns qui surnagent, quoi. Alors, moi, j'avais une difficulté par rapport à cette histoire de contrat social, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on établit des règles de jeu pour le GN qu'on vient briser un peu le contrat social qui existe entre nous. C'est-à-dire que, pour moi, l'intentionnalité du GN, elle est vraiment à prendre en compte dans, comment dire, dans le fait que on va vraiment transmettre un message. Or, la plupart des GN, ils viennent pas plus briser ou faire prendre conscience que ça de certaines caractéristiques de nos sociétés. Ils proposent juste un petit truc comme ça, différent, voilà. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est juste en proposant quelque chose de différent que les gens ressortent en se disant ben, on peut s'appuyer sur ce petit quelque chose de différent qu'on a vécu pour amener une réflexion entre nous. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont sortir et n'auront pas été influencés par l'expérience qu'ils viennent de vivre sur un GN où ils ont vécu une royauté, où ils ont vécu un empire et tout ça. C'était juste un moment passé comme ça, voilà. C'est gratuitement. Moi, j'ai cette sensation-là, en tout cas. Je dirais qu'au niveau de la politique et du GN, il faut bien différencier ce qui est de la fiction, de la fantaisie, où on vient pour se faire plaisir, pour justement entrer dans un contexte complètement différent, contexte qui en règle générale est beaucoup plus exigeant, que ce soit au niveau social ou économique. Économique au sens où les personnages ne peuvent pas acheter, faire ce qu'ils veulent aussi facilement qu'on pourrait nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une volonté politique ou un apprentissage politique derrière. Il peut y avoir un apprentissage des personnes sur la manière de réagir face à certaines actions ou la manière de faire des choix et de prendre des choix politiques dans les GN où ça se fait. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir une réflexion qui peut se transposer dans le vrai monde, entre guillemets. Alors sur la question, ouais, est-ce qu'on peut transposer des choses ludiques justement dans le vrai monde et sur la question de la porosité ou pas, je suis persuadé que les effets de bleed, les effets d'empathie, enfin de tout ce qu'on ressent quand on joue notre personnage. Ah oui, définir le bleed. Oh putain, définir le bleed comme ça quand ça m'est demandé. Quand on est en GN et qu'on va jouer un personnage, on va fatalement, par rapport à ce que les organisateurs auront écrit comme perso, nous, on va apporter de nous-mêmes dans le personnage. Et fatalement, quand on va avoir joué ce personnage pendant un week-end, ce personnage nous aura aussi, entre guillemets, apporté des choses. Typiquement, enfin, l'exemple que je vois le plus simplement explicable, c'est l'empathie pour certaines situations, certaines conditions. Et l'exemple le plus éclairant que j'en vois et le plus incroyable, c'est, j'étais en train de chercher là justement sur le net, il y a eu un GN, un LARP qui proposait à ses joueurs de jouer des migrants. Je crois qu'il s'appelait The Quota ou quelque chose comme ça. Et typiquement, un GN comme ça, on ne peut pas dire ah mais c'est bon, les joueuses et joueurs viennent, jouent et repartent, et c'est que ludique, il n'y a pas d'effet politique. Alors là, je prends volontairement l'exemple le plus, comment dire, le plus facile à appréhender, mais je pense que si on joue The Quota et si on joue un migrant avec des quotas de nourriture, où on est habillé avec des fringues pas assez chaudes pour la température dans laquelle on est jeté, qu'on doit traverser une forêt entière ou je sais pas quoi, enfin, je pense que on peut pas sortir de cette expérience indemne, ou en tout cas on peut pas sortir de cette expérience en ayant exactement le même regard qu'en y rentrant sur les populations en question. Il y a un impact, je pense. Enfin, à titre personnel, ça m'est arrivé de jouer des personnages qui aussi étaient m'ont permis de changer mon regard sur des choses. Et ça, il me semble que c'est un effet politique. C'est pas forcément ensuite je vais aller forcément militer ou quoi, mais l'empathie que j'aurais eu pendant 2 jours pour ça ou peut-être, ah tiens, voilà, un autre exemple. Bêtement, parfois le fait de jouer à un père ou une mère alors qu'on veut pas d'enfants, ou il y a des choses connes, tu vois, ou il y a des choses comme ça qui créent de l'empathie pour d'autres types de personnes que nous, des gens qui font pas les mêmes choix de vie que nous, puisqu'on va les interpréter, et il me semble que ça, c'est intéressant politiquement. Ce que je voulais dire, il y a par rapport aux gènes politiques, il y a un intérêt de connaître son ennemi. Et donc là, typiquement, je fais avec les autres organisateurs de la Scénario Story jouer Soviet Tropique, et on a joué récemment à El Hombre Nacera, qui sont deux gènes où on interprète notamment des dictateurs ou des gens qui ont des idéologies en tout cas très poussées. Ça permet effectivement de connaître d'appréhender un peu plus les idéologies, par exemple fascistes, les idéologies ultralibérales, les idéologies toxiques, de ce genre de choses, et permet de se renseigner et de se retrouver dans la peau d'un personnage qui doit défendre ses idées et ne jamais se retrouver à court d'arguments sous peine en fait d'être mis sur le banc et de perdre toute crédibilité. Et en fait, c'est vraiment un jeu de politique, ce jeu de bon, là j'ai je défends un truc, je défends mes intérêts. Si je perds la face, j'ai perdu. Donc, quitte à rester incohérent, il faut que quand même que j'annonce des arguments et que je porte mes convictions, même si ce n'en est pas vraiment des convictions au final, mais ce sont une idéologie. Et faire cette démarche permet au final de mieux comprendre quand on s'oppose à ces idéologies, à des débats, si on a fait nous-mêmes la démarche d'aller vers, de construire des arguments dans le sens de l'idéologie, c'est plus facile aussi de les démonter. Voilà ma conclusion. Et c'est un des intérêts du GN de pouvoir alimenter un débat. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Théo. Effectivement, faire l'effort d'aller vers quelque chose, même si c'est dans un cadre ludique, ça apprend des choses, ne serait-ce qu'en termes d'informations gagnées, en termes d'expérience, de ce que ça peut être de se mettre à la place de quelqu'un. Pour rebondir sur ce qui avait été dit plus tôt concernant la différence entre ludique et politique, pour moi, il n'y en a pas, en fait. Je suis peut-être un petit peu radicale là-dessus, mais en tout cas, un des ressorts principaux d'apprentissage dans le monde politique, c'est le jeu. C'est-à-dire que quand on est gamin, on apprend par le jeu. Quand on grandit, on apprend aussi par le jeu, par l'imitation, par toutes ces choses-là qui finalement sont mobilisées dans le GN. Donc pour moi, il n'y a pas de différence radicale entre le cadre ludique et le cadre politique. À part que le cadre ludique, effectivement, on peut se dire qu'on fait ça pour de faux, mais en même temps, le fait de se dire je fais ça pour de faux, pour moi, ça permet d'introduire une dimension de réflexivité, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de facilité à réfléchir à l'expérience qu'on a eue et à faire un petit peu un retour sur soi pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc finalement, le ludique, pour moi, c'est au contraire un des médias les plus forts pour expérimenter ce que ça peut être qu'être un autre ou une autre. En tout cas, l'expérience de l'altérité, pour moi, c'est très fort, et notamment dans le GN. Pourquoi? Parce qu'il y a une corporalité de l'expérience, et ça compte. On parlait du bleed. Le bleed, pour moi, c'est vraiment la porosité entre le personnage et le joueur. Et pourquoi est-ce que le personnage et le joueur sont perméables l'un à l'autre? D'abord, à mon sens, parce que le corps est l'interface commune entre le personnage et le joueur. Ensuite, il a été dit que le ludique permettait d'échapper aux contraintes du réel. Là, je ne suis vraiment pas d'accord. C'est faux et c'est archi faux, à mon sens, parce qu'en fait, on amène avec soi les normes qu'on a portées depuis toujours et qu'on continue à porter. Typiquement, quand on est, mettons, je suis une personne identifiée comme femme, si j'arrive en GN et que je me retrouve dans une situation de séduction, j'ai beau savoir que c'est le jeu, je vais flipper, je vais me dire, est-ce que c'est vraiment le jeu? Est-ce que je suis pas en train de me faire draguer comme quand je sors dans la rue? Ce genre de choses. Tout à l'heure, il était dit, mais les personnes en partant ne vont pas forcément réfléchir. Mais c'est comme tout média, un message, il passe ou ne passe pas en fonction du récepteur. Que le message politique soit intentionnel ou inintentionnel, les joueurs sont plus ou moins ouverts à la réflexion. Et parfois, ça va quand même les toucher sans que ce soit conscient. Ils vont repartir en ayant expérimenté quelque chose. Comme cela a été dit, il y a de l'empathie, il y a le fait de connaître son ennemi. Et c'est un bagage intellectuel qu'ils vont remporter avec eux de savoir ce que c'est de vivre en tant qu'une personne qu'ils ne sont pas dans la vie réelle. Et cette connaissance va alimenter leur façon de percevoir le monde, leur façon de percevoir les rapports sociaux. Et par ailleurs, moi, je me méfie extrêmement de quand on dit que quelque chose n'est pas politique, car quasiment toujours, quand on dit que quelque chose n'est pas politique, finalement, cela revient uniquement à valider ce qui existe déjà, à valider le système en place. C'est pour ça que c'est une transition presque sur la deuxième partie. Le GN doit être politique, à mon sens, parce que, comme il l'est de toute façon, il faut en être conscient pour faire attention à quel message on va transmettre. Du coup, ouais... Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où le fait que, que les gens fassent de la politique de manière consciente à chaque fois qu'ils interprètent un rôle, ce n'est pas forcément le cas. Moi, je fais du jeu de rôle depuis très longtemps. J'ai interprété des personnages en quantité très variée de tout un type, du loyal bon au chaotique mauvais. Et il n'y a pas forcément de lien politique et de réflexion politique derrière. On tente d'interpréter un type de personnage qu'on identifie. Alors, l'identification, effectivement, elle est liée au contexte social, etc. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on est en partie et qu'on incarne le personnage physiquement qu'on va intégrer la totalité de ce qui fait le personnage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à jouer différents personnages. Parce que c'est plus ou moins évident en fonction de ce qu'on a déjà comme capacité de jeu, de jouer tous les personnages. Après, pour revenir sur le GN sur les migrants, déjà, rien que le fait de faire un GN sur les migrants, ça, c'est politiquement engagé. La quasi-totalité des GN, en tout cas de ceux que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est plutôt du fantastique et du fantasy. C'est assez peu engagé aussi loin dans le contemporain, sur le contexte, et à faire réfléchir sur le contexte actuel. Si on joue des mercenaires génois du 15e siècle, on va peu réfléchir à la condition de la femme à Gênes au 15e siècle à tout le contexte socio-économique, socio-politique du 15e siècle à Gênes. Les gens vont surtout se concentrer sur survivre et gagner de l'argent, parce que c'est des mercenaires, et pas forcément surtout ceux qui voudront faire de la politique et en feront. Mais c'est pas pour ça que tout le monde va l'intégrer, tout le monde va en faire. Et jouer à la politique, ce n'est pas en faire. Il y a vraiment pour moi une énorme distance entre l'initiation à la politique que peut apporter le jeu et le fait de vivre absolument une situation politique. Parce que j'ai l'impression, mais c'est ce n'est que mon point de vue et il vaut vraiment ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas vraiment grand-chose, que quand vous exprimez sur la question du jeu et du roleplay, vous le voyez d'une manière absolue. Et moi, je suis très critique sur la situation du GN et de ses joueurs en général. Et je ne vois pas de GNiste qui ne soit pas habité, ne serait-ce qu'un instant, par la pensée du joueur. Je trouve qu'il y a une porosité manifestement présente, même malgré les bonnes volontés, entre le joueur et le personnage. Et dès lors... y a pour moi cette distinction entre jouer à la politique, ce n'est pas en faire, de la même manière que jouer au droit, ce n'est pas faire du droit. Et je ne parle pas du droit parce que le droit français est comme ça, hein. Je dis pas que... Mais la pratique ludique est nécessairement différente de la pratique concrète, et psychologiquement aussi. Il y a une distance là-dessus. Par contre, l'envisager comme initiation, comme premier pas pour agir concrètement, ne serait-ce que par la réflexion, là oui, ça s'entend. Mais je distingue fondamentalement le ludique du concret, y compris en matière psychologique et a fortiori sur la politique. Donc, je ne vais pas rajouter grand-chose, puisque par qu'un gène, du point de vue qu'on joue un rôle. En jouant un rôle, forcément, on s'est amené à jouer quelque chose qu'on n'est pas. Et du coup, parfois, on prend des positions qui ne sont pas les nôtres. Et donc, dans ce cas-là, on peut transmettre des messages politiques en se mettant à la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça peut créer des, ça peut créer des politiques. Mais ça, c'est vraiment dit au-dessus par Théo ou d'autres, je ne sais plus exactement. Et sur ce que tu disais sur le jeu, sur le jeu Axel, le fait que le jeu était et ne coupe pas les normes sociales, etc. Mais par contre, il permet de transgresser certaines normes sociales qu'on a déjà acquises, sans pour tester, parce que justement, le jeu n'a pas de conséquences, enfin pas de conséquences graves, normalement. En théorie, il n'a pas de conséquences graves, ce qui permet de transgresser et donc de tester d'autres choses, comme être quelqu'un qu'on n'est pas. Sinon, ce que je voulais dire aussi sur ce que tu disais, Faldor, en parlant de la classification qui est faite par Donjons & Dragons, je crois, à la base, sur le spectre du bon mauvais des personnages, ça déjà en soi, c'est pas déjà le choix politique de définir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour un personnage en soi. Voilà. Alors, je vais essayer de conclure cette partie 1, mais d'abord, j'ai vraiment envie de répondre parce que je suis en train de m'agiter sur ma chaise, ceux qui lisent mon blog sans doute. Alors, Clemens, tu as dit « jouer à la politique, ça n'est pas en faire ». Je trouve ça, cette formule très, très bien trouvée et en même temps, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Alors d'abord, pour répondre à l'intervenant précédent, donc Faldor, concernant la conscientisation, donc, ton propos c'était « il n'y a pas de conscientisation, donc il n'y a pas de politique ». C'est pas vrai. En fait, dire, avoir tenir des propos, c'est déjà participer à reproduire ou à produire des normes. Quand on dit c'est pas politique, on fait quelque chose de banal. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que on a un positionnement réactionnaire, c'est-à-dire on ne remet pas en question l'ordre établi. C'est déjà de la politique en fait. C'est déjà prendre position. Alors, on voulait refaire la distinction entre la politique et le politique. La politique, c'est donc, il y a cette dimension d'intentionnalité et de conscientisation, effectivement, puisqu'il s'agit de se positionner par rapport au rapport de pouvoir qui existe et de tâcher de se faire une place là-dedans, par exemple, ou de porter des messages publics avec des intentions de faire évoluer les normes ou les institutions. Mais partout où il y a des humains, il y a du politique, c'est-à-dire que le politique au masculin, c'est le milieu dans lequel les gens évoluent en fait. Dès qu'il y a ne serait-ce que deux humains, il y a du politique. Et même peut-être que s'il y a un humain et un chat, il y a déjà du politique. Donc tout est vraiment politique et dire « mais non, c'est absolument dépolitisé ou c'est absolument apolitique », c'est en fait se leurrer. Si on pense que quelque chose est apolitique, c'est généralement parce qu'on n'a pas conscience d'en faire comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on n'a pas conscience qu'on est en train d'être politique. Pourtant, on le fait quand même, parce qu'on existe comme individu dans un réseau d'individus, dans une société, et exister, c'est déjà produire et reproduire des normes, ou les contester, donc influencer le milieu politique dans lequel on vit. Pour passer sur la deuxième question, là, je pense qu'on a déjà pas mal avancé dessus, au final, dans cette première partie qui s'adresser à qu'est-ce qui rend le gène propice comme média politique. La deuxième question, c'est doit-on faire du gène un média politique ? J'entends des opinions qui disent que non, c'est-à-dire que le GN, en tant que ludique, est détaché du politique du réel, du politique, on va abandonner ça, mais est détaché du réel, et donc que le GN ne doit pas être pris comme un média politique. J'entends également les opinions inverses. Allons-y. Je crois que c'est à moi, ouais, sur la question du est-ce qu'on doit faire le gène du gène à média politique. J'ai une remarque d'abord préliminaire qui, j'espère, lancera le débat, mais je pense que c'est déjà le cas en fait. Il y a de plus en plus de propositions de jeux politiques dans le panel. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, la majeure partie des GN, c'est des GN historiques, fantastiques, etc. Et alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis dans ma bulle de GNiste, sûrement d'ailleurs, mais je vois justement plein de propositions de jeux qui pourraient, selon moi, porter un contenu politique. C'est déjà, du coup, doit-on faire du GN à médias politiques ? Déjà, j'ai l'impression que c'est le cas. Et corollaire, j'ai aussi l'impression, justement, qu'il commence à y avoir aussi une réaction à ça. Dès qu'il y a de la, justement, dès que, vu qu'on est politique et vu qu'il y a des GN qui clairement portent des messages, on va dire progressistes, ou des organisations GN, des organisateurs de GN, ou des structures, voilà, autour du GN qui portent des messages, se crée une réaction. Alors, t'en parlais, Axel, il y a déjà des personnes qui disent oui, la politique, ça me fait chier, le ludique, on ne devrait pas faire de la politique, justement, etc. Et il y a eu ça, j'ai l'impression qu'il y a ça qui est en train de grossir également à mesure qu'on s'empare de ce média-là. Voilà. Alors, c'est à moi si je ne me trompe pas. Donc effectivement, c'est merci Axel de l'avoir justement clarifié, la définition, enfin vraiment une définition un peu de politique, parce que la définition qu'il y avait actuellement, c'était beaucoup contester les normes actuelles et ce genre de choses. C'est pas faux, mais en même temps, la politique est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça et désigne tous les rapports de domination, les rapports d'interaction entre les humains, et bon, ça peut être un contenu très très vaste. Donc du coup, un GN, c'est pas mal ça. Effectivement, par contre, il y a le côté ludique. Bon, j'en viens maintenant à la partie qu'on est en train de traiter parce que j'avais juste ça à rajouter. Doit-on faire du GN quelque chose de politique? Alors, le verbe devoir est peut-être un peu fort, mais en même temps, déjà, on peut faire quelque chose de politique, ça c'est clair et net. Vu que c'est une œuvre d'art... Je ne suis pas trop d'accord avec Lamartine, même si je suis bien moins grand homme que lui. Une œuvre d'art peut être très très politique parce que c'est un média, et un média est politique. On le voit, on peut le voir assez, assez rapidement. Et donc, doit-on faire du GN quelque chose de politique? En même temps, c'est bien d'avoir aussi cette vision-là, parce que, comme le disait Zandera, c'est forcément un message. Si on ne veut pas que ce soit politique, ça veut dire qu'on est en train de reproduire les normes de la société actuelle. En gros, parce qu'on ne s'est pas renseigné. À partir du moment où il y a un travail de renseignement, en fait, un travail de renseignement, de remise en question, comment ils faisaient à l'époque, quels étaient les rapports de pouvoir, quels étaient les rapports de force, peu importe si c'était par rapport au genre, si c'était aux pauvres riches, les castes aussi paysannes, les castes nobles, peu importe, il y a un questionnement. À partir du moment où il y a un questionnement, il y a une culture politique qui peut se développer, et même si elle n'est pas appliquée derrière, cette culture politique en fait est nécessaire à tout débat, tout militantisme, ça c'est l'extrême, mais même le moindre débat politique se nourrit d'une culture. S'il n'y a pas de culture, le débat va être vide, et ça va être juste des arguments de haine. Ou des arguments de médias, enfin, qu'on a vu à la télé. Donc ça permet aussi ça, le GN permet le renseignement. Donc je vais reprendre ce que j'avais dit en début de transition tout à l'heure. Donc, considérant pour ma part que le GN est forcément politique, pour moi, les orgas en tout cas, la question de qui, est-ce que les joueuses et les joueurs doivent le faire, pour le moment je l'avais de côté. Les orgas doivent avoir conscience qu'ils transmettent forcément quelque chose, ils reproduisent ou transgressent des normes dans leur jeu. Ils doivent en avoir conscience pour faire attention à ce qu'ils transmettent. Par exemple, tout à l'heure, il était question de mercenaires génois qui cherchaient à gagner de l'argent. Donc, dans un jeu où le système, c'est chaque individu va chercher à gagner de l'argent pour lui-même, déjà de base, ça valide l'existence d'un système financier, sa validité comme seul système fonctionnel, alors qu'en fait, il existe des tas d'autres systèmes. Par ailleurs, les mercenaires, ils peuvent être dans une perspective individualiste de chacun gagne son argent et c'est qu'à lui, ou ils peuvent être dans une collectivité, quelque chose de presque communiste, où ils mettraient les choses en commun pour que si quelqu'un est blessé, puisse survivre grâce au groupe. Donc même dans un cadre comme ça, il y a un système, il y a une structure, et cette structure, elle est politique. Donc les orgas font des choix, ou en n'en faisant pas, comme Théo l'a redit, finalement reproduisent ce qui existe, mais c'est politique aussi. Bon, ben c'est bien, du coup, il y a un point de désaccord. Je pense, à la rigueur, on pourrait essayer d'arriver de trouver un compromis. À mon sens, la politique, c'est l'interaction dans un environnement social et agir selon ses idées, ses convictions qui peuvent évoluer et en subir les conséquences positives ou négatives à son bienfait ou pour autrui ou pour la collectivité en général. Le problème, c'est que pour moi, cette possibilité-là suppose un cadre qui est absolu, qui est parfait. Le cadre ludique n'est pas parfait, ne répond pas à cette condition-là. Néanmoins, le cadre ludique peut, et au final, c'est ce que j'ai l'impression qui ressort de vos différentes positions, mettre en évidence et amener à l'initiation des vecteurs de politique. Le débat, la conscientisation, la formulation d'idées, d'expressions, la découverte d'éléments de la culture politique, qu'elle soit passée ou inédite dans un cadre éventuellement de science-fiction, ça d'accord, ce sont des éléments qui composent la politique. Mais à mon sens, la politique, c'est la somme de tous ces vecteurs et peut-être même plus encore. Et je pense que c'est considérer l'atmosphère ludique comme étant bien trop ambitieuse que d'espérer qu'elle puisse atteindre un tel objectif. Voilà, pour moi, c'est atteindre la politique au sens noble et au sens concret suppose une sphère environnementale parfaite, même dans un court laps de temps, et le monde ludique, de par sa nature, ne peut pas répondre à ce but-là. Alors d'abord, je n'ai pas compris le rapport entre faire de la politique et un cadre parfait. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien que tu réexpliques, puisque pour moi, il n'y a aucun cadre qui puisse être parfait ou même complet. Donc ça, j'aimerais bien que tu reviennes dessus si tu veux bien. Ensuite, pour moi, pourquoi est-ce que le GN doit être politique ? C'est une affaire de responsabilité, en fait. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, répété, comme également Sandera ou Will ont pu le répéter, tout est politique. Et en fait, à partir du moment où on joue et à partir du moment où on sort acheter du pain dans la rue, à tous les moments, en fait, on est déjà dans du politique. Or, nier le fait qu'on soit dans du politique, c'est pas terrible pour moi. C'est-à-dire que ça nous amène, comme je le disais, à être dans quelque chose de réactionnaire ou à conforter l'ordre établi, faute de vouloir le remettre en question. Donc pour moi, le GN comme média politique, c'est une affaire de responsabilité. La question qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est à quelle fin faire du GN un média politique ? Et simplement, pour moi, c'est pourquoi faire du GN un média politique ? Parce que le GN, par la pratique, par l'incorporation physique de normes, par l'expérience de normes nouvelles, par la création d'un cadre social alternatif, etc., donne les moyens vers une fin qui serait un ordre social plus juste, un assouplissement des normes, une prise de conscience, etc. Parce que je le répète encore une nouvelle fois, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que reproduire les choses, imiter des trucs, faire semblant d'être quelqu'un d'autre, faire semblant d'être soi-même qui va au boulot, faire semblant d'être soi-même avec des potes. En fait, aller au travail, sortir dans la rue, aller voir des potes, etc., c'est comme un GN, sauf que c'est un GN sur lequel on ne peut pas faire retour. On n'a pas de distance réflexive dessus, puisque c'est la vraie vie, en fait. Le GN, lui, permet cette réflexivité-là. Donc, allons-y, quoi. Faisons de la politique en GN et prenons conscience que le GN, c'est aussi agir et mettre en acte un autre monde politique, un autre modèle politique que nous pouvons utiliser pour rapporter des trucs bien dans la vraie vie, quoi. Alors du coup, je vais répondre sur ce que j'entends être un cadre parfait. Un cadre parfait, pour moi, je l'entendais comme étant un environnement qui est parfaitement capable d'engendrer toutes les conséquences dues à un acte. Par exemple, un acte politique, je vais commettre un assassinat ou je vais commettre telle parole, les conséquences dans un cadre ludique seront différentes d'une situation dans un cadre que je considère comme étant concret, c'est-à-dire un cadre comme la vraie vie. Parce qu'il y a des contraintes qui obéissent et qui viennent régir ce cadre ludique, du fait que finalement le cadre ludique n'est que le, le résultat dépend complètement du cadre concret et il suffit de tel ou tel, tel événement dans la sphère concrète pour que la sphère ludique soit directement impactée et dès lors, cette chaîne de réaction, la chaîne de causalité qu'on entendrait dans une sphère concrète n'aboutira pas à la sphère ludique. Et rien que de se dire que cette chaîne de causalité caractéristique de la sphère parfaite puisse, en toute hypothèse, ne pas être réalisée dans la sphère ludique, fait que, eh bien, dès lors, en fait, c'est une limite à l'immersion. Imiter, ce n'est pas ressentir. La copie, ce n'est pas l'original. Et dès lors, en fait, c'est pour ça que, pour moi, je cantonnerai une nouvelle fois la politique en termes ludiques, c'est-à-dire l'initier et justement contribuer finalement à essayer de renverser l'ordre établi, même si je trouve qu'il y a un biais qui est peut-être un petit peu c'est un petit peu rapide, c'est-à-dire puisqu'il y a empêcher la politique en GN, c'est conforter l'ordre établi. Faire de la politique, ça peut supposer de conforter l'ordre établi lui-même. Et finalement, quand on joue au jeu politique, de se confronter à certaines situations peut permettre de mieux éclairer. Tout mon combat, souvent en tant qu'organisateur, c'est de justifier l'existence du droit. Et bien souvent, dans la sphère concrète, on peut avoir des individus qui rejettent en bloc la notion de droit et qui supposeraient que l'individu n'a pas besoin de toutes ces normes-là. Et quand on les présente dans un cadre ludique, ils disent « Ah ben non, au contraire, heureusement qu'on avait tout ça. » Donc, c'est pas voilà, faire de la politique en GN ou, selon ma vision, être initié et participer à des vecteurs, à des segments de politique que je distingue de la politique en général, puisque c'est lié à la sphère de causalité, c'est pas nécessairement être contesté ou conforté l'ordre établi, puisque là on touche au domaine de l'imaginaire et donc la liberté est pour moi absolue. Voilà, je laisse la parole à Corinne. Ce que je voulais dire, c'est qui me questionnait depuis le début et Axel est venu y répondre, et c'est important, c'est effectivement cette question de responsabilité de la part des gens. En fait, le GN ne quitte pas à aucun moment nos sociétés et la vie qu'on connaît au quotidien, dans le sens où on est dans l'obligation d'être dans le vivre ensemble. C'est-à-dire pour moi, c'est très important. On est dans le vivre ensemble. Et de par ce biais-là, on fait effectivement de la politique du plaisir partagé, tout ça. En plus, sur la définition même, je reviens sur la question de définition, mais il y a quand même le mot « jeu » dans le jeu de rôle en grandeur nature. Donc, il y a cette opportunité de faire du politique, c'est-à-dire de faire ce petit pas de côté. Maintenant, il y a cette question qui est importante, c'est est-ce que les organisateurs, quand ils organisent un GN, ils sont obligés. Ils amènent systématiquement ces questions-là de réflexion autour de la place de tout à chacun dans nos sociétés. Et c'est là où, quelquefois, effectivement, c'est biaisé, parce qu'il y en a qui ne le font pas, et les réponses qu'on leur fait, c'est bah, « écoute, là, ça va poser souci ton GN, parce que ça questionne ce truc-là, toi, tu l'as mis gratuitement en n'ayant pas du tout conscience de la chose, mais moi, en tant que joueur ou en tant qu'extérieur, j'amène ce questionnement-là. » Et quelquefois, la réponse qui fait violence à celui qui questionne, c'est l'organisateur qui dit bah, « Non, moi, je ne me pose pas cette question. » Ça renvoie effectivement à la responsabilité, mais aussi à la question du non-choix. Donc, ça devient politique dans le sens où ça devient un choix de ne pas prendre en compte ces prises d'opposition-là. Et effectivement, si ça parle d'oppression, de phénomènes que l'on connaît, nous, dans nos sociétés, et qui posent souci, et que l'organisateur accepte de les mettre en place, bah, ça fait violence à la personne qui le reçoit. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il a l'organisateur a pour obligation de faire un choix. Ça, franchement, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas dans le sens où si on estime que en fait, on ne peut pas se poser cette question parce qu'à aucun moment, le GN ne quitte la sphère de la société, des sociétés dans lesquelles on vit et que donc, on est techniquement obligé d'être responsable, d'être citoyen, de penser aussi à l'autre comme étant quelqu'un de singulier. Ben, voilà. Moi, je ne sais pas où s'arrête voilà, ce pas ce fantasme, mais en tout cas, ce désir absolu que tout le monde soit capable de faire preuve de cette citoyenneté-là. C'est à moi. Du coup, alors j'essaie de relire mes notes parce que je ne sais plus à qui je vais répondre. Mais je pense que du coup, globalement, il s'avère que dans le contexte actuel, oui, c'était ça. Est-ce que le politique, c'est forcément renverser l'ordre établi? Puisque c'est vrai que les exemples qu'on prend, c'est souvent des exemples globalement, on va dire, de forces progressistes qui ont envie de renverser des habitus ou des façons de jouer ou des contextes de jeu plutôt conservateurs ou plutôt on va dire qui restent dans le paradigme actuel compétitif voilà, enfin, je sais pas comment le décrire exactement là comme ça à l'envolée. Et du coup, je ne sais plus qui était sur cette question-là. Le politique, c'est pas forcément renverser l'ordre établi. Je ne sais pas si c'était pas toi, Clémence Kael. Bon, j'avais noté dans mes petites fiches exemple de GN sans politique. Enfin, exemple de GN où les orgas ne sont pas posés de questions politiques. On va jouer des groupes. Pour chaque groupe, il y aura un chef. Les chefs vont mener leur groupe au combat l'un contre l'autre. Les personnages féminins seront des vierges ou des putes. Et on va jouer tous ensemble et ça posera pas problème. Et en effet, ça posera pas problème. C'est juste que dans ce que je viens de lister, il y a quelques trucs un peu révulsants. Et pourtant, c'est ce qu'on a vu dans le GN pendant 20 ans, quoi. Et c'est, en effet, c'est pas forcé qu'on renverse l'ordre établi, que les orgas de GN et les assauts de GN avec des visées politiques renversent l'ordre établi. Mais en fait, on peut le faire, on peut proposer d'autres jeux, d'autres types de jeux, d'autres environnements de jeu. Ça nous coûte juste de réfléchir avant de le faire. Et si en face, il y a des gens qui ont envie de faire des gènes d'extrême droite, je ne sais pas si ça existe déjà, mais en effet, eux aussi, ils le feront, quoi. Ah, et après, j'avais un exemple qui était parfait pour la transition, pour répondre à une autre question sur la question « Le GN ne quitte pas nos sociétés ». Moi, il y avait quelque chose dont je voulais parler, un point que je m'étais listé, mais qui pourrait aller dans le point suivant. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais à propos du fait que le GN ne quitte pas notre société, en effet, les assauts dans lesquels elles sont, et là, c'est pareil, ce n'est pas réellement de ce qu'on donne à jouer et à l'intérieur du jeu, mais du fait que on est des associations, par définition, donc des gens qui vont se rassembler pour un loisir commun, mais ces gens, à côté de ça, ils ont une famille, un métier, voilà, ils ont plein de choses qui les occupent, qui les passionnent ou pas, et ils arrivent avec leur prise de pouvoir dans le groupe associatif, et ils vont prendre la parole et ils vont porter des valeurs différentes, enfin des valeurs, en tout cas ils vont porter des messages différents. Et j'ai un exemple qui peut être rigolo, ou un peu triste, il y a des assos qui se disent apolitiques et qui veulent absolument qu'on ne parle pas de politique, on est juste là pour jouer. Et à Bordeaux, il y a un exemple d'assaut apolitique qui, du coup, a subi des tentatives d'infiltration de membres du FN, qui, du coup, l'assaut étant apolitique, elle disait non, nous, on est apolitique, donc vous ne parlez pas de politique, vous parlez pas de politique dans l'assaut, ok. Donc les gens, ils venaient, ils créaient des affinités, ils s'invitaient sur les tables de jeu, et ensuite, ils faisaient des tables chez eux. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils pouvaient vraiment recruter, quoi. Et en fait, en disant « on reste apolitique », ce que faisait l'asso, c'était se voiler les yeux, alors qu'il y avait, pour le coup, de la politique et pas du politique avec le… Enfin, c'était la politique qui était en train de se passer. Il y avait des gens du FN qui étaient en train de recruter. Finalement, cette affaire s'est conclue. On a trouvé carrément des bulletins d'inscription du FN à la convention, posés à la convention de l'assaut, parce que les gens en étaient allés jusque-là. Et quelques-uns d'entre nous avons poussé un coup de gueule, et puis je ne sais pas ce que ça en est devenu, j'ai l'impression que ces gens-là ne viennent plus. Mais pour dire que mon message est, en disant on est ludique, on veut rester apolitique, on ne veut pas s'intéresser à cette politique, en fait, c'est vraiment se voiler les yeux sur le fait que bah, on est tous et toutes à porter des messages divergents et que bah, c'est une arène, comme le reste, qu'en fait, comme le reste du monde, c'est une arène où des, où y a des conflits politiques. Voilà. Ok, donc je vais essayer de réorganiser ma pensée. Donc, Clémence, donc oui, tout, on peut tout, en effet tout à fait faire consciemment du politique pour valider l'existant. Là, depuis tout à l'heure, j'ai un peu essayé de chercher un exemple. J'en ai pas trouvé là dans l'immédiat, mais ça me semble en effet tout à fait possible. Je ne dis pas le contraire. Sinon, les exemples donnés par Will, l'exemple donné par Will du GN un peu à l'ancienne où il y a une structure hiérarchique avec un chef, où les joueuses sont reléguées à des rôles de second plan, qui, ces GN ça, se prétendent apolitiques et qui en fait reproduisent des situations de pouvoir du monde réel, c'est, voilà, là, c'est un très bon exemple. Et c'est pour ça que la place de l'orga est de voir la façon dont sont traitées ces questions. Je vais prendre l'exemple d'un gène historique, puisque c'est une de mes spécialités. Sur, moi, par exemple, j'organise un jeu qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une époque où la société était encore plus patriarcale qu'aujourd'hui. Et donc, même si ce n'est pas la question centrale de mon jeu, je l'écris de telle manière que le sexisme et le patriarcat sont présents, mais créent un malaise chez les personnages qui sont le plus en rapport avec, que ce soit les femmes qui en sont victimes, la mère de famille qui est enfermée dans son rôle de mère de famille, ou le patriarche qui impose son autorité. Je l'ai écrit de façon assez poussée pour pointer ces choses-là, pour créer un malaise, alors qu'il y a d'autres jeux historiques qui vont reproduire un système patriarcal, mais en l'adoucissant pour le rendre confortable, ce qui fait qu'on ne va pas se poser de questions. Et donc, finalement, on ne va rien remettre en cause, ni dans le passé, ni dans le présent. Donc ça, ce sont deux choix politiques opposés. Ensuite, là, bon, du coup, on va finir cette partie-là. C'est un peu dommage parce que la question de la place des joueuses et des joueurs dans le fait d'utiliser le GN comme média politique m'intéressait bien. Mais j'aurais bien aimé entendre des avis sur la question parce que personnellement, bah, je vois bien les jeux où les joueuses et les joueurs une place importante dans le développement du jeu, ou un rôle presque de co-orga, en prenant beaucoup de décisions sur la forme que prennent leurs groupes, par exemple. Là, en effet, ils peuvent beaucoup influencer, mais finalement, ils sont co-orga. Mais en tant uniquement que joueuses et joueurs, à part ne pas reproduire des comportements oppressifs, ce qui a quand même souvent lieu, hein, je pense que personne ici n'ignore tous les scandales de harcèlement, voire viol qui ont lieu en GN, à part donc faire en sorte de ne pas reproduire ces choses-là, je ne vois pas exactement comment les joueuses et les joueurs peuvent utiliser le GN comme média politique, mais sans doute parce que je n'ai pas assez réfléchi, et j'aurais bien aimé entendre vos avis sur la question. Alors ça tombe bien, puisque je m'apprêtais à dire que je pense qu'on a largement débordé sur la partie 3 et qu'en plus, la partie 3 est pas mal le reflet de ma propre pensée. Donc, je pense qu'il n'est pas plus mal de l'évacuer. Dites-moi en commentaire là sur le live Sénatex ce que vous en pensez. Et effectivement, peut-être de remettre au centre la question de la place des joueurs et des joueuses, qui peut être tout à fait intéressante. Je vais revenir sur ce que Clément a dit tout à l'heure. Concernant le cadre parfait, donc, tu as défini ça comme un environnement capable d'engendrer des conséquences dues à un acte. Alors, d'une part, ce n'est pas parce que des conséquences sont différentes dans le GN qu'il n'y a pas de conséquences. Et ensuite, dans la vraie vie, bien souvent, il n'y a pas de conséquences non plus. Donc finalement, la différence, elle est au niveau du degré, elle n'est pas forcément pour moi au niveau de la nature. Ensuite, tu as dit « imiter, ça n'est pas ressentir ». Là, on a vu avec la question du bleed que ça posait problème. Et tu as dit « la copie n'est pas l'original ». Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'original et la copie, il n'y a pas d'original. Parce que à partir du moment où on imite quelqu'un ou quelque chose, on devient soi-même un vecteur d'imitation. Et en fait, c'est une une chaîne sans fin d'imitation. Concernant la place des joueurs et des joueuses dans la politisation d'un GN, j'aimerais bien parler de quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est le steering. Contrairement au bleed, qui est non intentionnel, le steering, ça consiste à en fait prendre soi-même en tant que joueur ou joueuse, à mener son personnage consciemment vers une direction qui, en tant que joueur ou joueuse, va nous plaire davantage. Typiquement, si j'ai envie d'aller jouer avec machin alors que mon personnage n'a pas spécialement de raison de le faire, je vais trouver des raisons de le faire et ce sera du steering. Mais il peut aussi y avoir un steering à valeur politique. C'est notamment la posture de Jonaya Kemper, qui est une chercheuse américaine sur le GN, qui, elle, est militante antiraciste, féministe notamment, qui est noire, et qui utilise le GN comme un moyen d'émancipation en disant « on va utiliser le steering, donc c'est-à-dire on va utiliser cette capacité qu'on a d'emmener le personnage là où on veut, pour ressentir des choses, pour expérimenter des situations qui vont nous permettre de prendre le pouvoir en fait sur des situations d'oppression par exemple qu'on suit dans la vie. Typiquement, ça peut être alors elle prenait l'exemple de jouer un personnage en GN qui était chanteuse et magicienne. Et par ce personnage-là, elle a pu expérimenter ce qu'on lui avait toujours refusé, c'est-à-dire d'être leading voice, d'être quelqu'un qui va chanter pour soi-même, etc. Ce qu'elle n'avait pas pu expérimenter parce qu'en tant que femme noire, elle était toujours reléguée en arrière-plan. Voilà, je vous laisse sur le steering et on peut passer sur une partie, puisque vous semblez être d'accord, où on discute de la place des joueurs et des joueuses dans cette politisation et dans cette intention ou non-intention politique qui vient. Alors, place du joueur, juste par rapport à la place du joueur, effectivement, il y a certains côtés intéressants à inclure aussi une dimension politique dans le jeu, parce qu'on n'a pas fait dans ce sens-là aussi. Le jeu politique en soi est un jeu en GN qu'on développe souvent. Et je suis plutôt d'accord avec Axel sur le fait que c'est compliqué d'avoir un cadre absolu. Pas vraiment d'absolu, la notion d'absolu n'a pas vraiment de sens pour moi. Et construire un jeu politique, c'est au final donner des munitions aux joueurs, donner des choses pour avancer. Et la volonté des organisateurs ou la volonté des co-organisateurs, ainsi de suite, peut fortement influencer le joueur aussi dans sa façon de penser à terme, à force, en fait, à force de travailler, à force de faire des GM. Il y a possiblement moyen de s'orienter vers certaines pensées, certains courants de pensée, et aussi pour les organisateurs d'utiliser le GN comme média, j'en parlais tout à l'heure, mais par exemple ça peut être faire un GN sur la révolution, non, faire un GN sur une révolution et se servir de ce GN pour dire qu'une révolution est possible et ça pourrait pas se passer comme ça, ça pourrait se passer comme ça. Et au final, avoir autant de poids politique qu'un roman d'anticipation, certes, mais que ce genre de choses. Mais en même temps, je pense que le GN a quand même plus de portée émotionnelle qu'un roman. Parce qu'il nécessite d'inventer, il nécessite toujours d'être, pour le joueur, d'être dans l'improvisation, d'être dans la pensée. Et le fait est qu'un roman, là où on a un peu tout cuit, où on a juste besoin de faire un effort d'imagination, d'image, entre guillemets, là, il faut vraiment le vivre. Il faut vraiment être dedans si on veut prolonger le GN. Après, c'est sûr que c'est à divers degrés. Sur un gros GN, tout le monde n'aura pas accès à ce jeu politique. Admettons un GN 80 joueurs... où il y aura quelques élites qui feront effectivement des négociations, ce genre de choses. Et peut-être que même on perdra un peu cet aspect-là. C'est, si on veut avoir une dimension de média, je pense qu'il faut peut-être un nombre plus réduit de joueurs, ou alors en fait énormément d'organisateurs. En fait, ouais, voilà, faut énormément d'organisateurs pour un très bon ratio organisateur-joueur, pour surveiller là où va le GN, et vérifier qu'il rentre toujours dans le dans l'intention voulue. Voilà. Ok, allez, j'y vais. Bonsoir, désolé pour le retard. J'étais en train de bosser sur un GN politique avec mes associés. Bon, c'est un peu compliqué de reprendre ça vu le début, mais je crois que j'ai à peu près recouché les wagons. Une question que je me pose, je n'ai pas sûr d'avoir vu que ça avait été abordé sous ce plan-là. Bon, pour moi, c'était évident que toute œuvre de fiction, toute proposition artistique ou culturelle est politique, de par le fait que quelqu'un la conçoit et la propose à d'autres personnes. Et je pense que tout ça, vous avez déjà un petit peu parlé de ça. Après, je vois quand même une différence entre la dimension politique qui va être dans le cadre de la fiction. Parce que vous prenez Théo comme exemple, par exemple, les tractations politiques, diplomatiques. Donc, les personnels, en fait, sont mis dans des situations qui sont issues de situations que l'on peut trouver dans notre quotidien, dans notre histoire, avec un orage. Deux, aussi la dimension militante, où là, c'est les organisateurs et organisatrices, ou les personnes qui ont écrit le jeu avant, qui vont aussi se poser la question à quelles sont les fins, quels sont les enjeux en fait qu'ils veulent, qu'ils ou elles veulent voir explorer durant le jeu, avec un degré plus ou moins important, parce que j'ai dit qu'il y a pas mal d'exemples qui ont été cités de jeux très très politisés, voire militants, sur des thématiques souvent assez complexes, assez lourdes, mais je pense qu'il y a pas mal de jeux aussi qui peuvent paraître très légers au premier abord, des thématiques science-fictionnelles, ou que la science-fiction c'est évidemment politique, mais ou médiéval fantastique ou que sais-je, où la plupart en fait des actions de jeu, des événements vont être assez assez simples, mais qui vont transposer, qui vont être irrigués par un positionnement politique, qui ne va pas forcément être perçu comme un positionnement politique au départ, mais qui peut ensuite irriguer une pensée, amener les gens à prendre du recul sur ce qu'ils ou elles ont vécu, de différent de ce à quoi ils ou elles sont déjà confrontés. Je suis n'importe quoi, mais imaginons dans un jeu médiéval fantastique où on se pose, j'en ai déjà fait 5, 6, 10 avant moi, et ça a toujours été la nourriture omnivore, et puis pouf, là je fais un jeu médiéval fantastique où il se trouve que la nourriture est végane. Ça ne va pas plus être appuyé que ça, mais c'est déjà un positionnement politique qui probablement est militant. C'est pas anodin non plus de faire ça actuellement, parce que c'est quand même pas quelque chose de majoritaire. Et ça peut amener les gens ensuite, soit au travers de leur personnage, à réagir à ça, à créer du jeu autour durant le jeu, soit effectivement durant les briefings ou a posteriori, dire tiens, mais c'est marrant, c'est un élément que j'ai noté, ou qui m'a gêné, ou qui m'a intéressé, et pourquoi et comment, et voilà. Je vais m'arrêter là et je vois qu'il y a des gens qui s'excitent. Putain, génial, j'avais même le droit à la parole. Oui, sur la question de l'incohérence, justement, il y a quelque chose qui est fantastique. Et qui d'ailleurs on l'a vu très récemment, alors ça existe en GN et on l'a vu très récemment dans le jeu vidéo encore une fois, c'est ce qui peut paraître cohérent ou incohérent à des gens. C'est-à-dire que c'est arrivé justement que on entende râler parce que machin ou machine allait pas manger de bouffe au repas du GN parce que ouais, ça allait être servi, enfin en gros la bouffe serait pas vegan, et du coup pour l'exemple du vegan par exemple, c'est assez fou, on dit oui mais on va pas servir des trucs vegan, c'est incohérent avec l'univers. Par contre, ça pose de problème à personne qu'il y ait des tonnelles en plastique, et c'est du coup là j'ai réagi un peu à vif quoi, mais cet argument de la cohérence est incroyable à chaque fois pour empêcher des décisions justement qu'on pourrait prendre qui sont politiques, elles, et pour leur donner un vernis, comment dire, les personnes qui invoquent la cohérence l'invoquent parce que comme ça leur donne un vernis de justement de pas être politique. C'est pas une question politique, c'est juste que c'est pas cohérent. Vous voyez de quoi je veux parler? Bah tiens, d'ailleurs, pardon, je reprends puisque personne ne prend la parole, mais ça recoupe mon truc de tout à l'heure. Oui, non, mais les femmes ont juste des rôles de mère au foyer et de pute, mais c'est pour la cohérence. Alors, déjà, pour la question de la cohérence, je crois que je pense qu'il faut qu'on l'expurge absolument de tout du gène, parce que ça sert souvent de faire valoir des trucs qui sont totalement débiles. Le fait est que là on parle par exemple de la question autour des véganes, de la place des femmes et tout, mais j'ai déjà vu sur des GN, purement sur des questions de logistique et de budget, des trucs, oui, en cohérence, on ne pouvait pas faire manger ça, il n'y avait pas de bananes à l'époque et tout ça, la réponse que j'ai fait moi en tant que cuistot, c'était simplement dire, bah alors je n'amène pas non plus de Nutella. Parce que vous voulez du Nutella, il n'y en a pas, parce que si on respecte la cohérence et cette mauvaise foi, ben, on va aller tout droit vers. On n'est pas dans du. Comment dire, de la reconstitution pure et simple. On est dans quelque chose d'un peu immersif, donc on se rapproche le plus possible. Mais après, libre à tout à chacun de faire ses choix. Pour revenir après sur. La question de la place des joueurs, des joueuses dans cette dimension politique et un peu de comment ils peuvent s'approprier ces places-là. Je pense que les orgueils font juste une proposition de jeu, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'intention de proposer quelque chose qui est d'un cliché absolu, en avoir conscience ou pas, ou proposer quelque chose qui va venir à contre-courant de ce qui est déjà proposé. Mais en tout cas, c'est aussi aux joueurs et aux joueuses de venir re-questionner les choses et de venir faire attention à ce qui se passe dans GN, à pointer ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne, et surtout de faire attention à l'autre, c'est-à-dire que on est toujours dans des rapports sociaux, et je pense que comme les orgas proposent quelque chose, ils proposent un outil, ben c'est aux participants et participantes de se saisir cet outil et d'en faire quelque chose qui est toujours dans le cadre c'est pas moi personnellement qui l'ai appelé comme ça, mais je l'ai beaucoup intégré, c'est la question du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on avance ensemble avec cet outil-là entre les mains, quel que soit l'outil, c'est-à-dire que l'orgueil, il peut proposer un truc totalement pourri, a priori. Ne pas avoir l'intention, vouloir faire de la politique et nous prendre la responsabilité en tant que participants de se saisir de la chose, de dire, ben, finalement, ton non-choix, on va le pointer et on va essayer d'en tisser quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire au niveau de la question de la place des joueurs et des joueuses. Je te rejoins tout à fait, Yannick, sur ce que tu viens de dire. Pour autant, je pense que la notion de cohérence, elle n'est pas non plus totalement à dégager, mais c'est un peu important quand même plutôt de la décaler. À mon sens, c'est important d'être cohérent avec justement le positionnement politique qui est à l'initiative du jeu, en fait. Et dans ce cadre-là, en fait, justement, ça me paraît important de toujours. Ça, finalement, ça revient un petit peu à, ni plus ni moins, à expliquer la note d'intention du jeu. Pourquoi on fait ce jeu? Pourquoi il est designé comme ça? Pourquoi il s'adresse à ce type de public? Pourquoi il coûte ce prix-là? Et de se rappeler toujours que c'est de cette manière-là qu'on communique notre proposition artistique, et donc c'est aussi ce référentiel là qu'ont les personnes qui acceptent d'y participer et qui nous font confiance pour y participer. Et donc ça me paraît quand même important de garder en tête que qu'on se doit un minimum, voire un maximum, en fait, de rester cohérent avec l'intention et la note d'intention qu'on porte, et après dire que dans tel univers, il y a ces coutumes-là, cette nourriture-là, cette organisation politique ou pas, on va pouvoir le justifier ou pas, mais voilà, ne pas se cacher effectivement derrière une cohérence extra-diégétique, qui effectivement a plutôt donne l'impression que c'est une espèce de cachette pour ne pas assumer des choix ou se camoufler, quoi. Alors que ça peut tout à fait être un positionnement, enfin ça doit être à mon sens un positionnement, dire ben oui, on reste toujours, on a toujours ça qui reste dans un coin pour pas se louvoyer, pour pas trahir un petit peu aussi la note d'intention qu'on a publiée. Alors, bah, sur la question de la cohérence, en effet, moi aussi, je l'ai énormément entendu pour justifier des trucs oppressifs. Même dans des jeux médiévaux fantastiques, c'était pour des raisons de cohérence que les femmes n'avaient pas des rôles politiques importants, blablabla. Pour autant, donc, en effet, comme disait Baptiste, il y a la cohérence avec sa note d'intention et tout ça. Mais même par rapport à une cohérence avec un univers, à partir du moment, donc là, je parle toujours côté orga, on est conscient que le GN est un média politique, on peut faire le point entre... Enfin, on se demande qu'est-ce qui est cohérent, on fait la liste. On fait en parallèle la liste de qu'est-ce qui est intéressant, non oppressif, etc. Et il y a toujours moyen de trouver des trucs, des contournements pour arriver à quelque chose de satisfaisant dans les deux sens. Mais pour ça, il faut avoir conscience donc, qu'il se passe quelque chose de politique dans le GN pour pouvoir se poser les questions. Sinon, on ne peut pas. Là, je pense à... Par exemple, là, je ne l'ai pas fait, mais mon compagnon a fait très récemment un GN qui était à la limite de la reconstitution sur le procès de Zola dans l'affaire Dreyfus. C'est une reconstitution, donc pour une raison de cohérence, il n'y avait quasiment que des personnages masculins. Ben, les filles ont joué des rôles masculins. Donc c'est, la cohérence était respectée, c'était des personnages masculins, mais tout le monde pouvait quand même jouer. Sur d'autres jeux, on peut faire la liste de qu'est-ce qui est cohérent et décider sciemment de renoncer à certaines choses. Sur le GN L'Agora, les Feux de l'Agora, GN Grèce antique, il y avait un énorme souci de respecter l'historicité et de ne pas tomber dans la caricature, comme ça peut se faire souvent dès qu'on parle d'antiquité. Et donc, pour ce faire, ils ont fait la liste des choses cohérentes et ils ont décidé qu'est-ce qu'ils gardaient, qu'est-ce qu'ils supprimaient. Et typiquement, ils ont supprimé la place traditionnelle des femmes dans l'Antiquité, puisque ce n'était pas intéressant pour des femmes de venir jouer si elles restaient dans leur tente pendant tout le GN. Donc voilà, je pense que c'est une question à se poser, mais à se poser en même temps qu'on se pose d'autres questions pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Et donc j'en profite pour, donc j'avais dit tout à l'heure que j'ai trouvé un exemple d'utilisation consciente du politique pour valider l'existant. En fait, c'est un truc que j'ai souvent vu en GN, c'est la démocratie, le vote dans des situations où ce n'est pas, où ça ne colle pas tout à fait, mais où ça revient soit par volonté des orgas, soit par volonté des joueuses et des joueurs. Typiquement un système donc plutôt autoritaire, royal, avec normalement il y a un seul chef, on va se retrouver avec un conseil autour de ce chef, où tout le monde a le droit de vote, une voix de vote, et qui est aussi puissant que le roi ou la reine. Donc là, on est une situation où on utilise consciemment du politique, même de la politique, pour valider l'existant, à savoir l'idée que quand même c'est plus cool pour tout le monde quand il y a plus d'une seule personne qui prend les décisions. Oui, je suis désolé, je suis obligé de quand même... juste balancer une perche avant. Alors bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. Je pense quand même que... j'ai noté un truc, tu parlais d'inclusivité, tout ça. Pour moi, ça me paraît aussi tout aussi important que des personnes qui seraient idéologiquement en fait, contre ces idées-là puissent aussi organiser des jeux, tout comme elles écrivent des livres, elles réalisent des films, et voilà. Et la seule différence, c'est qu'effectivement, ce serait chouette que quand on organise un jeu où on n'a pas envie qu'il y ait des gros, on n'a pas envie que ce soit les personnages ou les joueurs d'ailleurs, qu'il y ait de femmes, qu'il y ait de gens qui ont moins d'argent, voilà. Ce soit assumé. Voilà. Mais c'est aussi des choix politiques et malheureusement, j'ai quand même l'impression que souvent, ils sont très peu assumés. Alors, il est 20h15, nous sommes tout à fait à l'heure, ce qui est quand même formidable, je tiens à le préciser une nouvelle fois. Pour conclure, on peut dire, il me semble, nous avons dit en tout cas ici, que le GN est politique, comme toute fiction, comme tout art, en fait, et qu'il y a en plus un bonus de la corporalité du jeu qui ajoute, via l'identification ou le bleed, donc la porosité joueur-personnage, à sa puissance politique, à sa puissance d'identification. Ensuite, parce que le GN ne prend pas place dans la réalité ordinaire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'effet sur cette réalité-là. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce qu'on véhicule. Il est important de clarifier son intention et de se rendre compte de ce qu'on produit et de ce qu'on reproduit. Il est nécessaire d'adapter les moyens qu'on va utiliser via le jeu et les fins qu'on poursuit, de se demander pourquoi et comment on recherche la cohérence dans son jeu. Par exemple, enlever les normes qui sont violentes et inutilement violentes, superflues. Par exemple, l'absence de femmes dans un GN historique ne peut ne pas se faire avec l'absence des joueuses. Et c'est un choix qui est un moyen, donc l'inclusion des joueuses, vers une fin qui est l'inclusion des femmes dans la société. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que certains jeux avec lesquels qui véhiculent des idées moins progressistes ou pas du tout progressistes d'ailleurs, ne peuvent pas exister. Ça veut dire simplement qu'il doit y avoir les organisateurs et organisatrices de ces jeux-là doivent assumer leurs idées et ne pas se cacher à la fiction, puisque la fiction elle-même a des liens avec le réel et ne peut pas s'en détacher complètement, jamais. Concernant les joueurs et les joueuses, elles ont le choix des jeux qu'elles jouent, donc ça c'est un premier point qui n'a pas été évoqué, mais je le rajoute là, à ce moment-là. Pour un joueur ou une joueuse, choisir les jeux auxquels elles participent, c'est déjà effectuer un choix politique. Ensuite, elles ont le choix de comment ils jouent ces jeux. Ce sont des choix d'interprétation, de costumes, d'éléments de jeu. Ça peut être du steering, comme je disais. Donc le steering, c'est le fait d'aller consciemment amener son personnage faire quelque chose qu'en tant que joueur ou joueuse, on a envie de vivre. Ou au contraire, de s'éloigner de quelque chose qu'en tant que joueur ou joueuse, on n'a pas envie de vivre. Voilà, je pense que ça c'est ma conclusion à la table ronde. N'hésitez pas à, il nous reste quelques minutes, à surconclure, entre guillemets, c'est-à-dire à rajouter des éléments que vous pensez que j'ai oubliés. Et je vous invite à proposer vos thèmes pour le mois prochain dans le chat. Merci. De même, si vous souhaitez animer un live, là c'est moi qui l'ai animé, mais c'est assez exceptionnel, il me semble que c'est la première fois que je le fais. Si vous souhaitez animer un live, faites-le vous. Et si le thème que vous souhaitez animer est accepté, c'est avec grand plaisir que nous vous laisserons la parole pour la prochaine fois ou la fois suivante.